pour l'énergie, c'est évoluer qui est souffrant, consumant et brûlant. Lorsque l'intellect essaie de comprendre la compréhension, il engendre le concept. Lorsque l'émotion goûte au concept, qui est un peu moins chaud que la compréhension, le phénomène émotif engendre la foi et la croyance. La foi et la croyance sont des conditions essentielles de l'évolution des bas plans de l'univers. La foi et la croyance ne sont pas des leurs. Ce sont des conditions existentielles et efficaces. Sauf qu'elles ne doivent pas s'adresser à l'intellect. Lorsque l'intellect croit la croyance au lieu de comprendre la compréhension, l'intellect engendre la vérité. Et la vérité finit par supplanter la réalité. On ne peut pas comprendre un phénomène par l'intellect. On ne peut pas comprendre un phénomène par l'émotion. On peut vivre un phénomène par l'émotion, on peut conceptualiser un phénomène par l'intellect, et on peut comprendre un phénomène par l'esprit, par la conscience supramentale. Pour développer le schéma de conscience supramentale à l'intérieur de la conscience animale de l'homme, au-delà des plans de l'intellect, l'ajusteur psychologique, au-delà même des plans du mental, centre de l'intellect, on doit comprendre vibratoirement que la compréhension ne peut se faire que vibratoirement. La personne qui n'a pas les mots pour penser ce qu'elle a compris en déduit qu'elle n'a pas compris. Cela est faux. La personne qui n'a pas les mots pour penser ce qu'elle a compris a de toute façon compris. Mais sa compréhension ne peut pas être utilisée par l'intellect. Sa compréhension ne peut pas être utilisée par l'ego, par l'astral. Cela engendre donc une compréhension vibratoire qui va permettre la création de véhicules sur d'autres plans, mais qui ne pourront pas être exprimés, donc être utilisés, donc rendus efficaces dans l'évolution des plans inférieurs de l'homme, mental, astral, vital et physique. Étant donné que l'ego est le foyer central de l'identification de l'expérience planétaire de l'homme, tout ce qu'il ne peut pas utiliser dans les plans bas, mental, astral, vital et physique, est catalogué par lui comme étant inexistentiel. Cela engendre une mécanicité qui fait que l'ego essaie de comprendre que ce qu'il peut appliquer. Et l'ego refuse et fuit la compréhension de ce qu'il ne peut pas appliquer. Parce que toute compréhension de l'inapplicable par l'ego engendre une mécanicité de connaissance dans l'ego qui fait comprendre à l'ego que celui-ci n'a pas le pouvoir, que celui-ci n'a pas de puissance et que celui-ci n'est pas le recteur de son monde. Alors nécessairement, à travers l'initiation ou l'expérience, l'ego va continuellement, aidé par l'intellect, fuir la compréhension de l'inexplicable pour la simple raison que cela est inapplicable dans son monde à lui. Il n'y a pas que 4 plans, mental, astral, vital et physique. À l'origine même de la création, il y a eu 11 dimensions. Cela a duré à peu près 1 milliardième de seconde dans le temps standard planétaire. Par la suite, ces 11 dimensions ont été résumées en 3 dimensions spatio-temporelles, supporté par une 4e le temps. L'ego est paramétré par ces 4 dimensions, la hauteur, la largeur, l'épaisseur et le temps. À travers ce bloc carré, quadridimensionnel, l'ego ne peut absolument cerner aucune autre forme de cognition vibratoire, de vibration cognitive, de connaissance vibratoire, qui échappe à la quadridimensionnalité de sa présence. Tout ce qui fait référence à autre chose que la hauteur, la largeur, la longueur et le temps échappe à la compréhension mémorielle de l'ego. La mémoire est un réceptacle. La mémoire est un phénomène à 4 dimensions. Et tout ce qui n'est pas relié aux 4 dimensions de l'ego ne peuvent être compris, mémorisés, cernés, appris, appliqués, efficatisé par l'ego. De ce fait, l'homme, ayant été premièrement construit à travers 3 dimensions, excluant le temps, à travers l'évolution, l'homme a fini par accumuler le temps à l'intérieur de lui et il a pu s'assimiler à la 4e dimension. Et ces milliards d'années qui ont servi de prémisse à la création de l'homme ont engendré la 1e, 2e, 3e et 4e dimension qui, finalement, ne peuvent être exprimées dans l'univers conventionnel de l'homme que sous forme de ce que vous êtes actuellement. Corps physique avec une épaisseur, une hauteur, une largeur. Plus mémoire astrale. le temps. Dans la conscience évolutive de l'homme, il y a le temps et l'antitemps qui se trouvent résumés ensemble. Il y a la phénoménologie de l'observation du périssement des choses matérielles, c'est-à-dire de la dégradation de la tridimensionnalité vers une forme unidimensionnelle. Et en même temps, dans la conscience de l'homme, plus il accumule de la mémoire, plus il monte contre le temps et plus il organise l'organisation cérébrale de ses souvenirs. Plus il devient perfectionné au niveau de la logistique cérébrale, plus il apprend à penser, plus il apprend à parler, plus il apprend à conceptualiser, il orchestre alors que le temps conventionnel détruit, use, vieillit, rouille. Tout ce qui fait partie de l'évolution universelle, qui échappe ou qui inclut d'autres plans que les quatre plans primaires planétaires, ne peut pas être conçu, conceptualisé, rendu efficace, vécu par l'homme. Tant que l'homme est de l'ego, tant que l'homme est de la mémoire, tant que l'homme est de l'astral, tout ce qui n'est pas quadridimensionnel échappe à l'homme. Nécessairement, lorsque nous voulons parler d'évolution cosmique, l'évolution cosmique ne peut pas être comprise ou cernée par l'ego. Elle ne peut qu'être apprise par l'ego. Apprendre une chose ne veut pas dire comprendre une chose. Apprendre une chose veut dire être capable de se servir de ce que l'on a appris. Comprendre une chose veut dire être capable d'amener tout ce que l'on n'a pas appris. Alors, une question fondamentale du point de vue d'une conscience supramentale peut être intéressante à poser et à élaborer. Où sommes-nous? La question fondamentale du « où cosmique » doit être amenée par la conscience supramentale à l'intérieur des cellules de l'homme, de façon à ce que lentement l'ego finisse par de plus en plus apprendre, alors qu'il ne peut pas comprendre, que tout ce qu'il a cerné jusqu'à date n'est en fait qu'une illusion monstrueuse, en partie créée par un contexte espritisé qui a engendré l'expérience planétaire, et en partie créée par lui-même, qui finalement, pour ne pas s'ennuyer de ne pas comprendre, engendre une explication qui va être capable de vivre avec sa solitude de façon à l'occuper à travers l'espace-temps. Un 5% d'intelligence est apparu dans un corps physique. Ce 5% d'intelligence s'ennuyait. S'ennuyer veut dire manquer de support à l'expression. Le corps de l'homme ne peut pas supporter son expression. La matière ne peut pas supporter son expression. Quatre dimensions n'est pas suffisante pour supporter son expression. Alors il s'ennuie. Comprenons le mot « ennui », comme je le dis, incapacité de s'exprimer par manque de support dimensionnel. Alors cette partie de l'esprit qui habitait l'homme va engendrer une expression tridimensionnelle ou quadridimensionnelle, c'est-à-dire tridimensionnelle stockée dans la quatrième dimension, le temps, la mémoire, de façon à faire en sorte que cet ennui dramatiquement insupportable pour un phénomène intentionnel exprimé puisse être comblé. Essentiellement, cela veut dire création des archétypes cosmiques, création de tout un miroir, faux ou vrai. Ça n'a même plus d'importance, le but n'est pas de comprendre à ce stade, le but est de créer de l'occupation, le but est de créer une planète, le but est de créer une planétologie évolutive qui va simplement permettre à cette partie de l'esprit de ne plus souffrir. Alors vient au monde le « où ». La Terre est le centre de l'univers. Le « où ». L'homme est une création de Dieu. Le « où ». Nous sommes placés quelque part sur cette Terre. Le « où ». Nous sommes dans une galaxie. Et lorsque l'être humain est capable de fixer le « où », il nous voit. Il peut s'exprimer à travers parce qu'il vient de délimiter des paramètres de son monde. Tout ce qui est vécu par l'homme est une création espritique qui, par rapport à la dimension temporelle, provient du passé. Cela a été archétypé par le phénomène espritique qui est descendu à l'intérieur de la sphère matérielle quadridimensionnelle, l'homme. L'homme n'a pas toujours eu la consistance endoformique qu'il a aujourd'hui. Ça n'a aucune importance, l'homme était l'homme, et au fur et à mesure que la constitution matérielle pouvait supporter un contact avec de l'intelligence, qu'est-ce que c'est le contact avec l'intelligence chez l'homme normal? C'est simplement la création d'un support biomatériel permettant à l'être conscient, aux 5% de conscience supramentale dans l'homme, de pouvoir améliorer la condition d'expression qu'il vit de façon à rendre plus proche de la réalité le mensonge qu'il a créé pour supporter son ennui. Toute évolution planétaire depuis près de 4,5 milliards d'années n'est constituée que de mécanismes permettant aux 5% espritiques de ne pas s'ennuyer. Toute l'évolution de l'homme est basée sur la solidification des contextes matériels, qu'elle soit dans la technique, qu'elle soit dans le corps physique de l'homme, de façon à pouvoir transformer l'expression archétypale qui supportait l'ennui pour rapprocher l'illusion anti-ennui de la réalité cosmique. À travers cela, pour que l'être humain puisse arriver à supporter convenablement l'expression qu'il s'est donnée, l'esprit a dû donner de l'autorité à la matière. L'autorité qu'il a donnée à la matière a été l'ego. L'ego devait être capable de devenir un phénomène apparemment intentionnel pour pouvoir créer des perturbations au niveau de l'esprit de façon à recréer la phénoménologie de l'effusion, c'est-à-dire de la création de l'univers, qui est une vraie merde, un vaste problème. Et la partie 5% de l'intelligence supramentale qui habite chaque homme a essayé de reconstituer la putain cosmique qui a engendré l'humanité. Et cela, il l'a créé dans l'ego de l'homme, donc dans l'âme de l'homme. L'univers est-il fini ou infini? Si l'univers est infini, cela veut dire qu'il n'y a pas de limite. Dans un phénomène tridimensionnel, avec largeur, hauteur, épaisseur, aucun phénomène sans frontières ne peut être conceptuellement perçu. Il devient faux pour l'homme de penser que l'univers peut ne pas avoir de limite. Alors, il y aurait galaxie sur galaxie sans jamais connaître de fin. Et si l'univers n'a pas de limite, essentiellement, cela veut dire qu'elle n'a pas de raison. Cela veut dire qu'elle n'est jamais apparue, donc qu'elle n'a jamais eu de début. L'univers n'aurait donc jamais été créé. Et si l'univers n'a jamais été créé, essentiellement, cela veut dire qu'elle n'a pas de fonction, qu'elle n'a pas de raison d'être. Ce n'est ni une intention, ni un accident. C'est. Et cela dans la conscience de l'humain qui évolue, dans la conscience de l'expression ou du véhicule d'expression du 5% d'intelligence supramentale qui s'exprime à l'intérieur de l'ego et du monde. Cela veut nécessairement dire que lorsque l'intelligence supramentale à l'intérieur de l'homme va commencer à conceptualiser la farce cosmique qui l'habite et qui l'entoure, nécessairement il essaiera par copiage, par mimétisme, de reproduire l'erreur, l'illusion, à une échelle beaucoup plus vaste, de façon à ce que la vastitude de l'échelle puisse engendrer au niveau de l'expérience de l'ego la sécurité qu'il est en train de perdre au travers de sa conscientisation. Lorsque le Dieu ne s'occupait que de la planète, c'est intéressant. Lorsque la conscientisation permet d'envisager l'extraterrestrialité de notre monde, le Dieu devient insécurisant. Alors on engendre un Dieu encore plus puissant. C'est là qu'on rend vaste le mensonge. Et au fur et à mesure de l'évolution du support matériel permettant l'expression du 5% d'énergie supramentale dans l'homme, au fur et à mesure de l'évolution de cet espace matériel, l'erreur devient de plus en plus vaste, de plus en plus complexe, de plus en plus difficile à cerner, et surtout, de plus en plus difficile à arrêter. Si l'univers n'a pas de fin, l'univers n'a pas de raison. La problématique du « où sommes-nous » devient très intéressante. Nous pouvons savoir où nous sommes, à l'exclusive condition d'avoir des paramètres précis. Alors la question supramentale, où sommes-nous dans l'univers? Nous sommes sur une planète Terre. Nous sommes au coin de l'Esplanade et de Crémazie. Nous sommes sur telle ou telle chaise, dans telle ou telle rangée. Mais ce « où sommes-nous » est basé sur quelle perception? La Terre tourne autour d'un soleil. Le système solaire dans sa galaxie. La galaxie dans son univers. Et si l'univers n'a pas de fin, cela veut dire que l'univers n'a pas de centre. Et si l'univers n'a pas de centre, cela veut dire que le « où sommes-nous » n'a aucune conscience de réalité. Cela veut dire que le « où sommes-nous » est une question tout à fait farfelue, provenant typiquement de l'insécurité de l'ego, qui lui paramétrait par trois dimensions supportées par le temps. Et dans ces trois dimensions, il y a nécessairement une hauteur, donc une fin. La fin sera juxtaposée à la largeur qui sera finie, par l'épaisseur qui sera finie aussi, assujettie à la largeur et à la hauteur. Lorsque nous voulons savoir qui nous sommes, lorsque nous voulons savoir quand nous sommes, lorsque nous voulons savoir où nous sommes, ces questions fondamentales sont une trilogie tridimensionnelle reliée à la farce de l'ego. Et je le répète, la constitution des phénomènes quadridimensionnels, trois dimensions supportées par le temps, est simplement la mécanicité de l'expression d'un plan conçu sur 11 dimensions qui a la faculté dans sa résonance mémorielle de devenir supramental par rapport à l'homme et qui, à l'intérieur d'un continuum tridimensionnel, ne pouvant s'exprimer parce qu'elle est régie par 11 dimensions mémorielles, ne pouvant s'exprimer dans un contexte tridimensionnel, elle engendre l'illusion cosmique, l'archétype planétaire, qui fait en sorte que l'ego peut naître, que l'âme peut naître, que la mémoire temporelle peut naître, et de cette façon, l'humain arrive à paramétrer sa constitution, à avoir une idée très fausse de ses paramètres et de ses limites, parce qu'en fin de compte, l'humain n'a aucune limite, sauf la limite qu'il s'impose à lui-même, dans une expression inadaptée de l'intelligence, une expression tridimensionnalisée. Si l'univers a une fin, cela veut dire qu'il existe un dehors à l'univers. Et ce dehors à l'univers a-t-il une fin? Si ce dehors à l'univers n'a pas de fin, et que l'univers, lui, a une fin dans ce dehors qui n'a pas de fin, on en revient quand même à la même constitution. Si une chose n'a jamais eu de début, c'est qu'elle n'a pas d'intentionnalité. Rien dans cette création, rien tout court, n'a pu intentionnellement créer si la chose n'a jamais été créée. Si l'univers a été créé par un intentionnalisateur qui provient de l'extra-univers, l'intentionnalisateur n'a jamais été créé puisqu'il provient de l'infini. Il n'a pas de limite. Une chose qui n'a pas de limite peut-elle réellement s'occuper d'un phénomène limité à l'intérieur d'un endroit où, irrepérable, inapprochable, la Terre se trouve finalement n'importe où. Il n'y a aucun « où » à poser. Nous ne sommes pas dans un « où ». Cela n'empêche qu'à travers l'évolution de cette création, dans ou en faisant référence aux choses créées, perceptibles par nos yeux, nous engendrons un « où ». Où sommes-nous? Et nous verrons très rapidement qu'à travers le temps de l'évolution des structures tridimensionnelles de l'expression d'un phénomène 11 fois dimensionné, nous posons aussi la même maudite question, où en sommes-nous? Parce qu'à travers la position spatio-temporelle, à travers la position coordonnée géospatiale, il y a un parallèle qui est fait à travers cette tridimensionnalité de l'expression de l'explication amique, astrale, planétaire du contact supramental, où l'être humain arrive aussi à se poser la question du « où ». Où suis-je? Mais où suis-je dans la matière? Où suis-je dans l'énergie vitale? Où en suis-je dans ma guérison? Où en suis-je au niveau astral? Où en suis-je dans mon évolution? Où en suis-je au niveau mental? Où en suis-je dans ma compréhension? Et l'homme doit comprendre que le « où » fondamental est une illusion totale. On ne peut pas poser la question « où suis-je sur la matière? » Nous pouvons répondre par rapport à une relativité, donc à une fausseté, donc à un mensonge. Nous pouvons répondre « je suis ici » par rapport aux deux colonnes. Mais les deux colonnes sont deux colonnes par rapport à moi. Finalement, je sais, illusoirement parlant, où je suis dans la matière, par rapport à la matière que je regarde, mais je ne sais pas où elle est, cette matière, par rapport à ce que je ne peux pas regarder. Le « où » planétaire, le « où » dans la matière, « où suis-je dans la matière » est une inconsistance totale, une insulte de l'intelligence. Lorsque nous posons la question « où j'en suis au niveau vital », alors que l'énergie vitale n'a pas de fin par là, ni pas de fin par là, ni pas de fin par là, ni pas de fin par là. Où suis-je? Qu'est-ce qu'être malade? Où en suis-je dans ma guérison? Où en suis-je dans ma fatigue? Où en suis-je rendu dans mon manque d'énergie? Où en suis-je rendu dans mon accumulation d'énergie? Le manque d'énergie existe. L'accumulation d'énergie existe. Le « où en suis-je » n'a aucune consistance réelle, sauf s'il est soutenu par la fibre menaçante des plans illusoires de l'astral. Le « où en suis-je » dans mon évolution. Au niveau des plans astraux, c'est la même chose. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin perceptible par le plan astral. Qu'il ait été engendré ou non, cette consistance, cette compréhension, cette cognition échappe totalement aux structures tridimensionnelles de l'explication du monde astral. Cela veut dire que l'homme a été créé ou non, l'homme ne pourra jamais le considérer, le vivre, le connaître, le savoir, à partir des structures créées. La chose engendrée ne pourra jamais englober l'engendreur. Étant donné que l'être humain, sur plusieurs de ses paliers d'expression planétaire, est un être humain créé, la créature ne pourra jamais englober dans sa conscience le créateur. Il ne le peut pas. Étant donné que la créature est tridimensionnalisée et supportée par la fibre cosmique du temps, il ne pourra engendrer une explication que tridimensionnelle, supportée par le temps. Alors, il pourra engendrer l'explication du phénomène du passé, transporté dans une personnification des mécanismes recteurs et engendreurs. Un être créateur qui aura une hauteur, une épaisseur et une largeur. Un phénomène tridimensionnel au niveau du plan matériel, au niveau du plan vital, au niveau du plan astral, au niveau du plan mental et tous les autres niveaux considérés par l'ego. Le plan supramental au niveau de l'ego, c'est de l'ego. Le plan supramental au niveau de l'astral, c'est de l'astral. Le plan bouddhique au niveau de l'astral, c'est de l'astral. Le plan divin au niveau de l'astral, c'est de l'astral. Et de ce fait même, l'explication cosmique des phénomènes créactionneurs du point de vue de l'astral reste émotif. Cela veut dire que lorsque l'homme essaie de comprendre de façon à pouvoir se rassurer, de façon à pouvoir tangibiliser un résultat, tout ce que l'être humain recherche ne peut provenir que des mondes astraux. L'homme ne peut pas prétendre comprendre un phénomène astralement si le phénomène n'est pas de provenance astrale. Cela veut dire que l'être humain doit se brancher dans un autre phénomène de perception. Cela veut dire que l'être humain doit se permettre une forme de libération. Cela veut dire que l'homme doit s'ouvrir une porte, celle d'être capable de percevoir sa condition autrement que par l'illusion du « où en suis-je? Où sommes-nous? Où vais-je? D'où viens-je? » L'homme doit et ce devoir va engendrer une sécurité du point de vue des forces multidimensionnelles englobant ou échappant aux trois dimensions planétaires. Tout phénomène de conscience dans l'homme est un phénomène tridimensionnalisé. L'homme n'a pas la faculté, du point de vue de sa cognition astrale, d'englober une structure qui ne contient pas de limite. Ne pas contenir de limite veut dire qu'il n'y a pas de limite dans ce sens, donc qu'il n'y a pas de hauteur, qu'il n'y a pas de limite dans ce sens, donc qu'il n'y a pas de largeur, et qu'il n'y a pas de limite dans ce sens, donc qu'il n'y a pas de longueur ou d'épaisseur. Toute structure de cognition vibratoire supramentale implique par le fait même que l'homme ne fonctionne pas à partir d'une structure conceptualisée par le 5% d'expression intelligente, une structure tridimensionnalisée qui par le fait même ne peut pas englober la 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e et 11e dimension. La compréhension est un processus de vibration. La compréhension ne peut pas être assujettie à la 4e dimension, le temps. Tout processus initiatique ne peut pas, pour la simple raison qu'il n'est pas associé aux quatre dimensions du mensonge cosmique, aux quatre dimensions dans lesquelles le 5% d'expression supramentale, pour ne pas souffrir l'ennui terrestrifiable, a engendré la création d'un mensonge archétypal où il pouvait se donner une raison explicative de la perte des 95% de sa propre constitution intelligente. Il n'y a aucune initiation. Il y a la mécanique de l'initiation qui peut être quadridimensionnalisée. Il y a le déplacement spatio-temporel qui est quadridimensionnalisé. Marcher d'une colonne à l'autre est tridimensionnalisé. Et la friction de l'espace sur le déplacement engendrera la quatrième dimension, le temps. Mais l'initiation de la personne, la cognition vibratoire supramentale de la personne qui est dans le déplacement quadridimensionnel ne provient pas, ne fait pas référence et ne peut être inclus dans ces quatre dimensions. Cela implique que toute évolution fondamentale de l'homme, si elle est quadridimensionnalisée, fait partie des structures d'involution de l'homme, fait partie des structures égoïsantes de l'âme, fait partie des structures nourrissantes des forces d'involution. Chaque fois que l'homme quadridimensionnalise son évolution, se pose la question fondamentale, où suis-je? Où en suis-je rendu? Je ne suis pas assez loin. Je ne vais pas assez vite. Cela fait référence au « où » fondamental, supporté par la création d'une mécanique, l'ego, qui a pour rôle cosmique d'engendrer l'occupation de l'espace tridimensionnel supporté par le temps, totalement vide par manque d'expression des phénomènes 11 fois dimensionnalisés. Autrement dit, l'ego a pour rôle et fonction cosmique de travailler à l'échelle de la planète. L'ego a pour rôle et fonction planétaire de remplir le 95% d'intelligence qui manque à l'expression très limitée du 5% d'intelligence supramentale sur le plan planétaire. Cela veut dire qu'étant donné que l'intelligence a maintenant une faculté nouvelle, celle d'être capable d'augmenter son potentiel d'expression, de passer du 5% au 6%, cela nécessite, dans ce phénomène tridimensionnel, cela nécessite de l'espace. Cela nécessite de la place. Étant donné que toute la structure évolutive de l'homme est basée sur un phénomène tridimensionnalisé, c'est-à-dire sur la structure du cube, donc sur la structure de côté, de limite, nécessairement, lorsque le 6% d'intelligence veut s'exprimer un peu plus dans ce phénomène tridimensionnalisé de l'homme, cela demande à l'illusion cosmique archétypale engendrée par l'ego. Cela demande que cette illusion disparaisse un peu plus de l'explication croyante de l'âme. Il ne peut pas pénétrer d'intelligence supramentale chez l'homme de façon à ce que l'homme, du point de vue de l'ego, sache, sauf si l'ego perd sa place. Il y a une structure super rigide dans la stabilisation du 5% de notre... tridimensionnalisée, supportée par le temps de l'homme, donc dans la conscience tridimensionnalisée, supportée par la mémoire de l'homme, se doit, pour être exprimé, d'avoir de la place. La place, il la créera, engendrant pour la tridimensionnalité de l'homme une souffrance terrible qui peut s'exprimer par une augmentation des paramètres ou une remalléabilisation des paramètres. Cela va donner des maladies physiques, des maladies vitales, des maladies astrales, des maladies mentales. Et si la structure de l'ego est tellement puissante que l'énergie supramentale n'arrive pas à faire de place dans la tridimensionnalité de l'homme de façon à engendrer une expression tridimensionnelle de ces phénomènes pluridimensionnalisés, cela peut engendrer une maladie au niveau des plans supramentaux. La maladie au niveau du plan supramental peut engendrer dans l'expression tridimensionnelle de l'âme une espèce de vide, exactement comme si on avait coupé une source énergétique qui pendant un laps de temps nous manipulait ou nous menait Cela nous amène à percevoir du point de vue de la structure tridimensionnelle de l'ego un état de point mort, comme si on avait été soudainement placé au neutre. On ne semble plus avancer vers aucune des dimensions que jusqu'à maintenant nous poursuivions. Ce phénomène du point mort, le phénomène du neutre, va permettre à l'ego, à la structure fondamentale de l'ego, de poursuivre l'érection de la structure tridimensionnelle, le baume, de façon à permettre à l'engendreur, le 5%, de continuer à garder le contact avec l'engendré, le 95%, l'ego et l'âme. Qu'est-ce qu'être existentiel? Qu'est-ce qu'être préexistentiel? Qu'est-ce qu'être super-existentiel? Cela fait partie de la phénoménologie du « où ». Où en suis-je? Le corps physique est super-existentiel. L'événementiel planétaire est super-existentiel. C'est-à-dire qu'il est hautement localisé dans la structure amique de notre planète, cet égo planétaire, il est hautement localisé en fonction du « où ». Le pont est là. Et étant donné qu'il est super-existentiel, je n'ai même pas l'impression d'avoir besoin de le paramétrer par rapport au reste de la tridimensionnalité de notre monde. Cela fait partie des processus super-existentiels. Mon corps est super-existentiel. Le vôtre est super-existentiel. Les plantes sont super-existentielles. La matière est super-existentielle. Et l'agissement matériel entre deux phénomènes super-existentiels matériels est super-existentiel. L'émotion, la cognition astrale mentale, fait partie des processus existentiels. Ils ne sont pas super existentiels, ils sont existentiels. Ils ne peuvent être perçus que par un phénomène super existentiel. Ils ne peuvent pas être perçus par elles-mêmes. Cela implique que tout phénomène existentiel, donc le mental et l'âme, l'astral, a besoin d'un paramètre super existentiel pour pouvoir observer la réalisation de son expérience de façon à engendrer la cognition de l'existentialité, le savoir que je suis. Mais la question fondamentale, c'est que l'humain va poursuivre dans ce phénomène tridimensionnel du « où » en disant « je suis là ». Le « là », le « où » est encore un phénomène illusoire de la cognition astrale de l'homme. « Je suis là ». Ne me dis pas où je suis. Et l'être humain va finir par supporter le là dans un mécanisme archétypal ou néotypal d'une structure émotive, cartésienne donc mémorielle, qui va finir par le porter à réengendrer l'explication tridimensionnelle où son expression de compréhension aura une limite. Cette limite sera pour lui les paramètres de largeur, de hauteur et d'épaisseur de son monde, de sa cognition astrale, sa compréhension astrale, ce savoir astralisé. Il en revient donc au même principe. Il rend plus vaste le mensonge parce que la vastitude du mensonge crée pour l'ego la certitude d'un savoir. Lorsque l'ego, supporté par l'ignorance, se sécurise par l'explication intellectuelle ou émotive de l'ignorance, lorsque l'ego arrive à englober la structure qui le sécurisait, essentiellement la structure sécurisante perd sa fonction sécurisante. Lorsque l'homme, du point de vue de la tridimensionnalité du monde de la mort, donc des plans astraux, connaît Dieu, Dieu ne peut plus le sécuriser. Alors, il doit reculer les frontières de sa cognition astrale tridimensionnelle de façon à ce que continuellement, du point de vue de l'âme, de l'ego, existe un endroit source dans cette tridimensionnalité explicative qu'il ne pourra pas connaître. Plus l'homme sait, plus l'homme doit reculer la frontière de l'inconnu. Non pas la frontière du connu, la frontière de l'inconnu. Lorsque l'homme apprend à connaître Dieu, il envisage un créateur de Dieu qu'il ne connaît pas. Il redevient sécure. Lorsque l'homme arrive à toucher ce créateur de Dieu, il envisage autre chose, reculant les frontières de la tridimensionnalité de l'explication astrale du phénomène 11 fois dimensionné de la création. Je suis là. Le là fait référence au où. Le où est une absurdité du point de vue de la cinquième dimension en montant jusqu'à la onzième dimension. Le où et le là fait référence à une quadridimensionnalité parce que nous pouvons structurer une position temporelle. J'ai 15 ans, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans. Ça, c'est le où à travers l'écoulement du temps dans la matière. Mais ce où est encore une formidable farce. Oui, mais moi, j'ai 60 ans. Moi, j'ai 6000 ans. À travers quoi? 6000 ans à travers un endroit qui n'a jamais eu de début, par rapport à un endroit qui ne verra jamais de fin. Ton 6000 ans est où? J'ai 6000 ans où? Je suis là. Un là placé quelque part où? De ce côté-là, il n'y a jamais de fin. De ce côté-là non plus. De tout partout non plus. Tu es là. Où? Dans l'évolution, c'est la même chose. La considération énergétique de l'évolution ascensionnelle de l'homme fait référence à un point limite zéro. Nous avons descendu jusqu'à une évolution point limite zéro. De ce point limite zéro, nous avons maintenant recommencé à monter. Et à partir de cette structure illusoire du phénomène explicatif tridimensionnel, l'homme parle donc d'air. Il y a le Krita Yoga. Il y a, autrement dit, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain, l'âge de fer. Et à travers ce « où » inconsidéré de l'ego, l'être humain ne pouvant qu'englober cette phénoménologie à quatre dimensions, les quatre âges, où on pourra retrouver le temps, la largeur, l'épaisseur et la longueur, l'homme ne pouvant englober cette chose sans perdre la sécurité de sa mécanicité de cognition astrale, il l'englobe, il invente maintenant les différents octaves, ce qui lui redonne encore la structure de l'infini, lui permettant de pouvoir dire « je suis là » sans réellement découvrir que le « là » provient de rien par là, donc finalement tu es nulle part. Imaginez votre corps en vie placé entre deux galaxies, dans l'espace. Dans un endroit où vous ne voyez aucune galaxie, il n'y a que du noir partout. Vous pourrez dire « je suis là », mais vous ne saurez jamais où là. Étant donné que l'être humain vivant de cette cognition astrale tridimensionnalisée rapproche les galaxies de lui, finit par créer la matière, il peut dire « je suis là ». Où là? À côté de la plante. La plante est où? À côté de moi. Parfait. Mais ces deux choses-là, dans la création complète, sont où? Nulle part. Pour que l'évolution supra-quadridimensionnelle se fasse à l'intérieur de l'expression quadridimensionnelle de l'homme, chaque ego doit saisir l'idée qu'on ne peut pas vivre l'initiation à partir de la perception tridimensionnelle supportée par la mémoire du temps. On ne peut pas vivre dans d'autres dimensions à travers les quatre premières dimensions. Nous ne pouvons pas vivre la largeur dans le temps. Nous ne pouvons pas vivre le temps dans la largeur. Nous pouvons vivre le temps qu'à travers le temps. Nous pouvons vivre la largeur qu'à travers la largeur. Parce que l'homme a la faculté de vivre quatre dimensions, il va jusqu'à se permettre d'appeler les quatre dimensions une seule et même dimension, l'espace-temps. Les autres dimensions sont présentes. Elles ne peuvent pas être structurées à travers une cognition astrale tridimensionnalisée supportée par le temps. Vous ne pouvez pas demander quand je vais y être. C'est la même chose que de demander où vais-je être. Autrement dit, la structure évolutive de l'homme à partir du point où fondamental de l'ego, qui permet à l'ego d'arriver à se retrouver par rapport au contact 5% du plan supramental à travers l'explication archétypale des trois dimensions. Le phénomène du « où » ne permet à l'ego que d'être capable de remarquer qu'il est lui parce qu'il n'est pas l'autre. L'autre, le 5% d'intelligence qui régit l'homme, chaque humain. Mais tout phénomène, et je le répète, la tridimensionnalité temporalisée de cette structure quadridimensionnelle qui est le cube évolutif apparent du monde astral dans lequel est exprimé le corps de l'homme, tridimensionnalisé, le corps vital, visuellement ou clair visuellement tridimensionnalisé, le corps astral, clair visuellement tridimensionnalisé, et le corps mental, clair visuellement tridimensionnalisé, vision du clairvoyant. Toute cette structure quadridimensionnelle est un réceptacle qui permet de contenir la petite parcelle d'expression du 5% supramental à travers une structure dans laquelle il a été placé et à travers une structure qui ne peut pas supporter autre chose qu'une explication quadridimensionnelle d'un phénomène à 11 dimensions. Il y a eu un temps sur la planète où la cognition mentale de l'homme n'avait pas la faculté de tridimensionnaliser une projection dans un espace à 2 dimensions. Alors, si on fait référence à l'art, ART, on va voir les peintures et les dessins avant la Renaissance italienne. Et on pourra observer que les dessins sont faits sans tridimensionnalité. On n'arrivait pas à l'époque, pourquoi? Parce que la cognition mentale de l'homme n'avait pas réussi à engendrer l'explication émotive d'une cognition tridimensionnelle dans l'ego. Cela faisait en sorte que l'astral était à cette époque bidimensionnalisé, supporté par le temps, donc. Elle avait la première et la deuxième dimension, lui manquait la troisième et elle avait la quatrième. Cela faisait en sorte que l'artiste plugué au plan astral, lorsqu'il dessinait une maison, il la dessinait comme un enfant la dessine, c'est-à-dire sans profondeur. Il y avait 2 dimensions, exactement comme si on avait pris la maison puis on l'avait aplatie sur la page. Alors, on ne pouvait pas voir de profondeur à l'intérieur. La maison, elle est carrée comme ça. Les Égyptiens avaient ce maudit problème. Ils ne pouvaient dessiner de profondeur, alors ils dessinaient tout de travers. Et on avait, à cette époque, avant la Renaissance italienne, la même phénoménologie de l'existentialité d'un monde astral à 3 dimensions, excluant la profondeur, donc l'épaisseur, où ne pouvait subsister que la hauteur, que la largeur et que le temps. Cela faisait en sorte que toute cognition explicative des mondes cosmiques du point de vue de l'astral, étant limitée parce qu'il lui manquait une dimension au niveau de la cognition astrale, faisait en sorte que nécessairement, toute la phénoménologie des traditions de l'époque, qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui, n'a plus de substance aujourd'hui, ne peut plus tenir. Parce qu'aujourd'hui, nous observons cette explication bidimensionnelle planétaire à partir d'une vision tridimensionnelle, toujours supportée par le temps. Après cette renaissance, lentement, il y a eu des mutations, et on a commencé à être capable de dessiner dans le concept de la hauteur et de la largeur, la profondeur dans le dessin. La profondeur dans le dessin engendre immédiatement une profondeur au niveau de la conceptualisation artistique de l'artiste. Cela veut dire que celui-ci étant totalement manipulé par les forces astrales, cela voulait dire qu'à l'échelle du monde astral venait de prendre naissance une nouvelle forme de cognition, la profondeur. Cela permettait maintenant d'engendrer autre chose que le tout ou rien, mais la nuance. Lorsque l'homme fait référence à un concept quadridimensionnel qui, selon lui, devrait supporter l'explication vibratoire de la création. C'est comme vouloir, à partir d'un dessin bidimensionnel, comprendre quelle est la profondeur de la maison dessinée. Cela reviendrait à dire que faire un dessin improportionnel ne peut évidemment nous instruire des proportions de la maison. La conscience de l'homme a évolué vers la tridimensionnalité au niveau du plan exprimé dans l'astral du 5% de contexte supramental. Toute forme d'initiation ne peut faire référence au « où ». Toute forme de question ne peut faire référence au « où ». Toute forme de question ne peut prendre référence du « là ». Je suis là. Où? Ici. Ça ne veut rien dire. Nécessairement, où en suis-je ne veut rien dire. Où je vais ne veut rien dire. À travers un continuum qui n'a ni fin ni début, être là ou être là, c'est la même chose. Si on met une limite et une limite pour la cognition astrale tridimensionnalisée de l'homme, si je mets une limite là et une limite là, être ici ou être ici fait une différence. Mais ma limite, elle est placée dans une région où il n'y a pas de limite. Alors, nécessairement, du point de vue cosmique, ça ne fait plus de différence. Le « où » fondamental doit être vibré. L'ego doit comprendre qu'il ne peut pas exiger de l'évolution supramentale le même support tridimensionnel qu'a eu son évolution astrale. Même la phénoménologie du temps échappe au contexte supramental. Celui-ci est instantané. Et l'instantanéité ne peut pas être quadridimensionnée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être régi par le temps mémoriel et il ne peut pas être régi par la substance matérielle. L'instantané échappe à la cognition astrale. La compréhension multidimensionnelle échappe à la cognition astrale. Être capable de voir un contexte sous tous ses points de vue en même temps échappe à la cognition astrale. L'astral ne peut comprendre ces choses. Alors, lorsque l'étude évolutive est faite à partir de ce qui nous reste au niveau des tridimensionnalités de l'ego, alors que toute une structure énergétique nous transforme, nous continuons à manger nos cornflakes. Je prends un bol de soupe. Je prends une assiette à pain. Et je mange du pain. Je prie pour avoir du liquide, mais ça du liquide. Et je présente toujours mon assiette à pain pour recevoir le liquide. Eh bien, je n'aurai jamais ça de liquide. J'aurai une assiette mouillée. Et j'entendrai dire que de temps en temps, il y a plein d'énergie. Alors j'y vais, je présente mon assiette à pain, et quand je la retire, elle est juste mouillée encore. Un pouce de liquide ne tient pas dans une assiette qui n'a pas de rebord. La tridimensionnalité de l'ego, pour l'ego, ressemble à un vase. Et elle se dit, le vase peut contenir. Ce vase ne peut contenir qu'une structure qui se plaît et qui se permet d'être tridimensionnalisée, et c'est le temps. Le temps a et est paramétré, le temps n'existe que parce qu'il y a la longueur, la largeur et l'épaisseur. Au-delà des trois dimensions primaires planétaires, le temps n'existe pas. Donc, ce réservoir tridimensionnel ne peut pas contenir la compréhension. Il ne peut pas contenir l'instantané, il ne peut contenir que la mémoire. Et dans la mémoire, il n'y a pas l'explication cosmique de la structure qui ne peut être contenue dedans. Il n'y a que l'explication de sa propre structure. Alors l'humain ne peut envisager l'évolution qu'à partir du temps. Qu'est-ce que l'évolution du point de vue de la cognition astrale de l'homme? la transformation à travers le temps. Des paramètres tridimensionnalisés de son corps physique, de son plan vital, de sa cognition astrale, de l'intellect mental. Le « où » doit être banni. La référence intellectuelle qui pourrait porter l'humain à dire « oui, mais me comparant à ce que j'étais, je me rends quand même compte que » est une illusion tridimensionnalisée par les forces astrales. Par rapport à ce que tu étais, et ce que tu étais n'avait aucun emplacement réel dans le cosmos. Donc, par rapport à un emplacement inexistentiel, tu es maintenant plus avancé. Ça devient comique. Le « ou » fondamental ne peut être un critère d'évolution. Lorsque je parle des phénomènes préexistentiels, je parle de tout ce qui a trait à l'intemporalité. Tout ce qui n'est pas régi par le temps est préexistentiel. Tout ce qui peut être régi par le temps, sans avoir la faculté d'être par lui-même, est existentiel. Tout ce qui a la faculté d'être par lui-même et d'engendrer de par lui-même une relation avec d'autres phénomènes est super existentiel. La matière est super existentielle et la relation entre la matière est super existentielle. L'émotion n'a pas de vie, n'est pas capable d'exister sans support matériel. Le mental non plus. Cela est existentiel. Au-delà du temps, il y a les phénomènes préexistentiels qui, du point de vue de l'existentialité, ne sont pas existentiels, mais du point de vue de l'âme, un jour, je les accrocherai puis je les descendrai dans mon contexte dimensionnalisé et je pourrais dire qu'ils sont existentiels. Alors l'humain veut rencontrer un phénomène préexistentiel qui en réalité est non existentiel et ne le sera jamais et il espère bien un jour ramasser Dieu par le fond de culotte puis dans toute son infini, il descend dans un contexte fini où la tridimensionnalité cognitive de l'ego pourra le cerner et dire « bon, ben là, je le connais ». Alors l'ego n'aura simplement réussi à cerner qu'un archétype, un dessin de la maison aplati, sans profondeur, qui ne lui révélera que ce qu'il voudra bien voir, mais qui ne lui révélera jamais la chose. Bannir le « où », bannir le « là » veut dire bannir le « je suis là », bannir le « j'en suis là », bannir le « j'en étais là », bannir le « où en suis-je », bannir toutes ces conditions. Même au niveau de la matière, ça n'existe pas. Ça ne permet qu'à l'ego de vivre un simulacre d'efficacité lorsque de temps en temps le « où » planétaire qu'il émet n'est pas trop dérangé par le « où » cosmique qui n'existe pas. L'homme, du point de vue de l'ego, lorsqu'il évolue vers la cognition supramentale, ne devrait se permettre que de se foutre royalement de où il en est, parce que le « où », le « là » n'a aucune consistance réelle et n'en a jamais eu du point de vue supramental. Lorsque l'homme parle de patience ou d'impatience, lorsque l'homme parle de position temporelle, lorsque l'homme parle de position spatiale, il ne parle que pour rien dire. Il ne fait que nourrir l'illusion conceptuelle de la cognition astrale tridimensionnalisée qui l'empêche totalement et continuellement d'arriver à entrevoir d'autres phénomènes dimensionnels là d'où provient sa condition et là d'où va provenir la solution. L'énergie supramentale ne peut pas être mise dans une éprouvette. L'éprouvette a trois dimensions. Plus le temps, elle persiste à la longue. On doit abandonner le « où » et le « je suis là ». L'ego peut continuer à se localiser, à se donner des coordonnées. Et son rôle et sa fonction, cela lui permet d'entretenir la condition archétypale qui sert à remplir temporairement le 95% d'ennui du 5% supramental exprimé. Je répète que l'ennui supramental est un manque de dimension pour pouvoir s'exprimer. Le plan supramental tourne autour de l'homme dans une dimension qui n'est pas celle de l'ego, dans une dimension qui n'est pas le temps, dans une dimension qui n'est pas la hauteur, la largeur, la profondeur. S'il humain, à partir du réceptacle temporel, hauteur, largeur et profondeur, veut connaître cette dimension, il n'y parviendra jamais. On fait une pause et on revient.